Les Marneff avaient surtout excité la commisération de la cousine Bette en lui laissant voir la profonde détresse de leur ménage, et la vernissant, comme toujours, des plus belles couleurs. Des amis obligés et ingrats, des maladies, une mère, Madame Fortin, à qui l'on avait caché sa détresse, et morte en se croyant toujours dans l'opulence, grâce à des sacrifices plus qu'humains, etc. « Pauvres gens, disait-elle à son cousin Hulot, vous avez bien raison de vous intéresser à eux, ils le méritent bien, car ils sont si courageux, si bons. Ils peuvent à peine vivre avec 1000 écus de leur place de sous-chef, car ils ont fait des dettes depuis la mort du maréchal Montcornet. C'est barbarie au gouvernement de vouloir qu'un employé, qui a femme et enfants, vive dans Paris avec 2 400 francs d'appointement. » Une jeune femme qui, pour elle, avait des semblants d'amitié, qui lui disait tout en la consolant, la flattant, et paraissait vouloir se laisser conduire par elle, devint donc en peu de temps plus chère à l'excentrique cousine Bette que tous ses parents. De son côté, le baron, admirant dans Madame Marneff une décence, une éducation, des manières que ni Jenny Cadine, ni Josepha, ni leurs amis ne lui avaient offertes, s'était épris pour elle, en un mois, d'une passion de vieillard, passion insensée qui semblait raisonnable. En effet, il n'apercevait là ni moquerie, ni orgie, ni dépenses folles, ni dépravation, ni mépris des choses sociales, ni cette indépendance absolue qui, chez l'actrice et chez la cantatrice, avait causé tous ses malheurs. Il échappait également à cette rapacité de courtisane, comparable à la soif du sable.